Bonjour à tous, très chers auditeurs, en direct de Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde, naturopathe. Le sujet du jour, les compléments alimentaires. J'ai toujours été très mitigée sur ce sujet, je vais donc vous partager mon point de vue en vous donnant quelques explications. Tout d'abord, une définition brève. Un complément est une denrée alimentaire dont le but est de complémenter le régime alimentaire normal et constitue un concentré de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Ils sont composés de vitamines, minéraux et oligoéléments, de concentrés de plantes. Notre alimentation moderne est très souvent carencée en nutriments et micronutriments essentiels. Le stress chronique et le terrain acide provoquent un pillage de nos réserves de vitamines et de minéraux. La perméabilité intestinale nuit à l'assimilation des micronutriments contenus dans les aliments. Cela dit, dans mes consultations, j'opte toujours pour un réglage alimentaire avant de proposer quelconque complément, car la personne n'a peut-être pas le terrain adapté pour assimiler ses concentrés. La mode de la détox à toutes les sauces n'a pas fini de se répandre dans les médias. Mais ce que l'on ne vous précise pas, c'est l'état de vos intestins. Les toxines que vous allez déloger des cellules hépatiques ou des cellules graisseuses vont à nouveau passer dans vos intestins et ça sera reparti pour un tour. Seul votre naturopathe pourra vous conseiller de faire une cure détox ou pas, en vous proposant un bilan dont le but sera d'évaluer si votre organisme pourra supporter ou non cette détox. Les compléments alimentaires sont disponibles un peu partout, laboratoires indépendants, magasins bio, pharmacies et même en grande surface. Vous vous retrouvez souvent face à tous ces produits disponibles, même sans avoir eu de conseils avisés. Il est alors difficile de s'y retrouver. Sans parler des médias qui font le buzz sur certains compléments phares du moment. Il ne faut pas exclure l'enjeu commercial, autrement dit le business autour de la santé. Alors n'oublions pas que nous sommes tous uniques et qu'il n'y a pas de produits miracles. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être bénéfiques, bien au contraire. Mais pour bénéficier de cet aspect bénéfique, il ne suffit pas d'appliquer la règle symptôme égale produit ou fatigue égale magnésium. Il est indispensable de rechercher les causes du symptôme. On en revient toujours à cette fameuse cause. Le père de la médecine Hippocrate disait « Cherche la cause de la cause de la cause et traite-la ». Le rôle du naturopathe est donc de vous apprendre à mieux vous connaître en commençant par effectuer un réglage alimentaire et en faisant un travail de fond sur votre terrain et votre état émotionnel, tout en s'assurant que vos intestins vont pouvoir absorber les substances apportées par les compléments alimentaires et adapter la forme en fonction de chaque personne. N'oubliez pas, nous sommes un tout. La santé est avant tout un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Les produits miracles n'existent pas. Ce qui importe, c'est d'apprendre à se connaître et de comprendre comment l'on fonctionne. L'idéal étant, en premier lieu, de modifier les mauvaises habitudes alimentaires, apporter une certaine sérénité en mettant le doigt sur les éventuelles causes émotionnelles qui, au fil des années, ont créé des symptômes, puis éventuellement entreprendre des phases de détox saisonnières une fois que l'on se sentira un peu mieux. Pour vous donner une image, c'est comme si on essayait de planter une graine dans un terrain aride. Pour que la graine voie le jour, la qualité du terrain doit être optimum. Il en est de même pour votre corps. Le travail de fond est donc indispensable. Pensez-y, si vous souhaitez être accompagné sur le chemin de la santé, en apprenant à vous connaître, en changeant vos habitudes pour être plus autonome, je suis installée à la Manufacture Bio de Saint-Nabord et je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin. D'ailleurs, demain, de 10h à 19h, à la Manufacture Bio, l'association La Petite Utopie propose une graffiteria, un marché 100% gratuit. Le concept est de donner ce que l'on veut ou rien et de prendre ce que l'on veut. Pas d'argent, ni de vente, ni troc, tout est gratuit. Venez nombreux. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine sur Radio Gémozo.